إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Je commence tout d'abord par louer Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cette visite et ces rencontres avec nos frères et nos pères dans cette ville et dans cette mosquée bénite, inshallah ta'ala. Comme notre frère Yassine l'a annoncé, le sujet de ces cours va être la lecture et l'explication d'une recommandation de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala traitant de divers sujets nécessaires aux musulmans dans son quotidien. Cette recommandation, Cheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il l'a écrit en réponse à la question d'une personne de mérite parmi les savants du Maghreb. Et on va mentionner son nom par la suite, inshallah ta'ala. Donc cette recommandation, c'est une recommandation précieuse de laquelle a besoin tout musulman et toute musulmane pour ce qu'elle contient comme bien immense et comme conseil précieux, comme vous allez le découvrir, inshallah ta'ala. Elle est connue sous le nom d'Al-Wasiyya Sughra, la petite recommandation, ou la recommandation mineure. Et ce, car elle est courte en termes de mots et de pages. En effet, cette recommandation, elle ne dépasse pas une dizaine de pages. C'est pour cela qu'elle a été appelée ainsi, la petite recommandation, afin de la différencier d'une autre recommandation qu'a écrite Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et qui s'appelle Al-Wasiyya Al-Kubra. Al-Wasiyyatu Al-Kubra, qui est beaucoup plus longue en termes de pages. Mais en réalité, cette recommandation, elle n'est pas sourra. C'est aussi une grande recommandation en termes de sens et en termes de bénéfices qu'elle comprend pour le musulman. Et elle est aussi connue sous le nom de Wasiyyatu Shaykh al-Islam li Abi al-Qasim al-Sibti al-Maghribi rahimahullah ta'ala. Elle est donc aussi appelée la recommandation de Shaykh al-Islam à Abu al-Qasim al-Sibti al-Maghribi. En référence donc au pays de ce questionnaire qui était un savant de la ville de Sibta. La ville de Sibta donc, dans le nord du Maroc. Et ce savant, il était originaire de cette ville. C'est donc un savant marocain, rahimahullah ta'ala. Son nom est Al-Qasim ibn Yusuf al-Sibti al-Maghribi, rahimahullah ta'ala. L'imam al-Zahabi, rahimahullah ta'ala, a dit à son sujet que c'était un imam, un muhaddith, un savant du hadith, et qu'il était un grand voyageur. C'est-à-dire qu'il a beaucoup voyagé à travers le monde, à la recherche du hadith, à la rencontre des savants. Et parmi les savants qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de rencontrer, il y a donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc vous voyez que cette question, elle est posée par un savant. Cette question qui va venir donc, elle est posée par un savant. Et la réponse, c'est la réponse d'un savant également, d'un grand imam de son époque, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc ceci donne une grande valeur à cette recommandation. Car elle a été faite à la demande d'un savant, et c'est un autre grand savant qui a répondu. Cela nous montre donc l'importance et la valeur de cette épître. Donc cette recommandation, il faut savoir qu'il l'a écrite, rahimahullah, alors que son âge ne dépasse pas les 36 ans. Il n'avait même pas encore 36 ans, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a répondu à cette question. On sait cela à travers les manuscrits de cette épître, sur lesquels sont écrits qu'à l'âge de 36 ans, c'est-à-dire lorsque Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala avait 36 ans, certains de ses élèves lui ont lu cette épître qu'il avait écrite. Donc cela nous montre qu'il l'a écrit avant ses 36 ans. Donc il l'a écrit alors qu'il était jeune, rahimahullah ta'ala, et vous allez voir comment Abu al-Qasim, le questionneur, l'a décrit dans sa question, rahimahullah ta'ala. Il a décrit Cheikh al-Islam rahimahullah comme étant le reste ou la relève des salafs, des pieux prédécesseurs, et le modèle pour ceux venus après eux, est le plus savant que j'ai rencontré dans les pays d'Orient et d'Occident. La personne qui dit ça, donc, c'est Abu al-Qasim, rahimahullah. Abu al-Qasim al-Maghribi. Un savant qui a voyagé beaucoup à travers le monde à la rencontre des savants. Il a vu donc un grand nombre de savants dans sa vie, et malgré cela, il décrit Cheikh al-Islam comment ? Le plus savant que j'ai rencontré dans les pays d'Orient et d'Occident. Il n'a pas rencontré plus savant que Cheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala. Et cette parole, elle a une grande importance, car elle nous provient d'un savant. Abul Qasim était lui-même un savant reconnu dans le nord du Maroc à son époque, qui a beaucoup voyagé, et en plus de cela, qui a rencontré énormément de savants. Ce n'est pas comme les paroles qu'on entend aujourd'hui de certaines personnes. Celui-ci, c'est le plus savant de tel endroit. Celui-ci, c'est le plus savant de tel pays. Alors qu'il ne connaît ni l'ensemble des savants, ni ce qui est réellement un savant. Il n'a jamais vu de savant. Le plus savant qu'il connaît, c'est l'imam de son quartier. Ensuite, il connaît les noms des savants à travers Internet ou autre. Puis il vient, il te dit, un tel est le plus savant de tel pays. Un tel est le plus savant de tel endroit. Mais comment as-tu pu évaluer cela? Comment as-tu jugé de cela? Abul Qasim, rahimahullah ta'ala, il dit cette parole alors qu'il a voyagé d'Orient en Occident à la recherche du hadith. Et il a rencontré un grand nombre de savants. Donc cette parole, elle est basée sur la science et sur l'équité. C'est une parole juste qu'il a prononcée au sujet de Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala. Donc comme on l'a dit, cette recommandation, c'est une recommandation immense qui réunit beaucoup de biens et beaucoup de profits, comme vous allez le voir, incha'Allah ta'ala, au sujet de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, taqwa, au sujet de l'adoration, au sujet des œuvres, et également au sujet du bon comportement et de l'étude de la science, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faire profiter ainsi que vous de ce que l'on va lire et écouter, incha'Allah ta'ala. قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يتفضل شيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي ويرشدني إلى كتاب يكون علي اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات ويبين لي أرجح المكاسب كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار والله تعالى يحفظه والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. Donc voici la question qu'a posé Abu al-Qasim rahimahullah ta'ala à Cheikh l'Islam. Il a dit rahimahullah, le Cheikh, l'imam, le reste ou la relève des salafs et le modèle de ceux venus après eux, le plus savant que j'ai rencontré dans les pays d'Orient et d'Occident, Taqiyuddin, Abu al-Abbas, Ahmad ibn Taymiyyah, a la bonté de bien vouloir m'adresser une recommandation dans laquelle je trouverai la droiture et le bien pour ma religion ainsi que pour mes affaires mondaines. Et qu'il m'oriente vers un livre sur lequel je me baserai dans la science du hadith, mais également dans les autres sciences religieuses, et qu'il attire mon attention sur les meilleures des œuvres pieuses après les obligations, et qu'il me clarifie les meilleurs moyens de subsistance. Tout cela de manière concise et résumée, et qu'Allah le préserve. Wassalamu al-Karim alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est donc la question qu'a posée Abu al-Qasim rahimahullah à Cheikh l'Islam rahmatullahi ta'ala alayhi. On voit donc que sa question, elle englobe quatre choses principales. Il a donc demandé à Cheikh l'Islam, premièrement, qu'il lui adresse une recommandation à travers laquelle il va trouver la droiture dans sa religion ainsi que dans ses affaires mondaines. Ceci est la première chose qu'il a demandé à Cheikh l'Islam et à laquelle il va répondre, rahimahullah. La deuxième chose, il lui demande de l'orienter vers un livre sur lequel il va se baser dans la science du hadith, mais aussi dans les autres sciences religieuses. La troisième chose que l'on va voir dans cette recommandation et sur laquelle il l'a interrogé, c'est qu'il lui indique la meilleure des œuvres pieuses après les obligations. Il a demandé après les obligations, car les œuvres les plus aimées auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce sont celles qu'il nous a prescrites, les œuvres obligatoires. Donc lui, il demande qu'est-ce qui est meilleur après les obligations, parmi les œuvres surérogatoires, et qui lui indique les meilleurs moyens de subsistance, les meilleurs moyens de subvenir à ses besoins. Et il a ajouté à cela qu'il demande à Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, de lui répondre à cela de façon concise. Et ceci est également une cause qui a fait que cette épître est relativement courte. Car c'est à la demande du questionneur et Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il a donc voulu répondre à sa demande telle qu'il l'a demandé. Donc vous voyez à travers cette question que l'on profite également des questions des savants et pas seulement de leurs réponses. Vous voyez que cette question qui a été écrite par un savant, elle n'est pas comme les questions qui sont posées par autre que. Qu'est-ce qu'il recherche à travers cette question? Il a posé cette question en recherchant le bien pour lui-même, mais aussi pour les musulmans qui viendraient après lui. En effet, regardez cette recommandation. Elle a été adressée à cet homme il y a bientôt 1000 ans. Et aujourd'hui encore, on la lit et on en tire des profits. Et elle nous aide dans notre religion et même dans nos affaires mondaines, comme vous allez le voir à travers la réponse de Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala. Donc le musulman, lorsqu'il pose une question au savant, il doit rechercher le profit pour lui-même tout d'abord, mais également le profit pour les gens qui vont écouter la réponse. Cette question, elle doit donc être profitable. Il doit y avoir un bien derrière. En effet, regardez, à travers une question, tu peux obtenir des récompenses. Tu poses une question à un savant, cette réponse, elle se propage, et les musulmans en profitent par milliers. Ils sont des milliers et des milliers et des milliers, voire plus encore, à en profiter. Tu ne peux même pas les dénombrer tellement ils sont nombreux. Et ça, c'est si cette question, elle est profitable. Quant aux questions qui n'ont aucun profit, les questions qui servent à semer des troubles, les questions qui n'ont pas d'utilité, même pas pour le questionneur parfois, alors celles-ci n'ont aucun intérêt. Il ne convient pas de les présenter au savant. Mais la personne qui a l'opportunité de questionner un savant, il doit poser une question qui est profitable. Tout d'abord pour lui-même, mais aussi pour les musulmans. Et ceci nous incite également à être sincères et véridiques lorsque l'on pose des questions aux savants. En effet, les intentions des gens, elles diffèrent. Il y a des gens, ils se rendent chez les savants, ils ne recherchent pas le bien. Ils recherchent à travers leurs questions à semer la discorde. Ils recherchent à travers leurs questions à propager des ambiguïtés ou autre chose mauvaise qui ne correspondent pas aux qualités desquelles doit se parer un musulman, comme la sincérité, la véracité et la loyauté envers l'ensemble des musulmans. Donc, après avoir dit cela, la question que l'on se pose, c'est qu'est-ce qu'une question profitable ? Qu'est-ce qu'une question profitable que je peux adresser aux savants ? La question profitable, c'est celle par laquelle le questionneur, il cherche à lever une ignorance de sa propre personne ou d'autres que lui. C'est-à-dire à travers sa question, ou bien il cherche à apprendre une chose qu'il ignore, ou bien il cherche à faire profiter aux gens qui sont autour de lui et à qui parviendront cette réponse, une chose qu'ils ignorent, même si lui il en a connaissance, mais il sait que si cela vient de ce savant, cela sera plus profitable pour les gens. Et on tire cela de la parole de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a dit « Al-ilmu la ya'dihlu shay ila saluhat al-niyya ». La science, elle n'a pas d'équivalent, c'est-à-dire en termes de récompense. Si l'intention, elle est bonne, ils lui ont donc dit « Wa ma salahuha ». Comment l'intention, elle peut être bonne ? Il a dit, rahimahullah, « An tanouya bihi raf'a al-jahl an nafsika wa an ghayrik ». C'est que tu aies l'intention dans ta recherche de la science de te débarrasser de ton ignorance et d'enlever l'ignorance des gens. C'est-à-dire que la science, elle se propage. Ceci est donc la bonne intention et la question profitable que la personne pose au savant. Qu'elle te permette d'éliminer un peu de ton ignorance et d'apprendre une chose que tu ignores ou à autre que toi parmi les musulmans. Donc, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il a commencé à répondre et il a dit « Alhamdulillahi rabbil alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, amma al-wasiyya, fama a'lamu wasiyyatan » أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها واتبعها. Il dit quant à la recommandation, Abu al-Qasim, la première chose qu'il lui a demandé, c'est de lui adresser une recommandation dans laquelle il trouvera la droiture dans sa religion et dans ses affaires mondaines. Il lui dit quant à la recommandation, alors je ne connais pas une recommandation plus profitable que la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment Cheikh l'Islam il a introduit cette réponse. Il a montré que ce qu'il va lui dire dans cette réponse, il l'a puisé d'où ? Du Coran et de la Sunna. Il l'avertit directement que ce qui va venir, c'est la recommandation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et la recommandation de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne vient pas de Cheikh l'Islam, mais il l'a déduit du livre et de la Sunna. Donc, il lui indique que la nasiha et la wasiya, elle doit provenir de ces deux sources, qui sont les deux sources pures de la religion. Le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. De même que Cheikh l'Islam, comme vous le voyez, il n'a pas commencé directement à lui adresser cette wasiya. mais il lui a d'abord rappelé cet ordre important, afin d'attirer son attention sur l'importance de cette recommandation qui va venir, qui est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que cette recommandation, c'est la plus profitable pour qui ? Liman aqalaha wa taba'aha. Pour celui qui la comprend et qui la suit. C'est-à-dire celui qui comprend ses sens et celui qui la met en pratique. Car celui qui ne comprend pas cette recommandation, elle ne pourra pas lui être profitable. Celui qui ne comprend pas ce qu'il lit ou ce qu'il écoute, il ne peut pas en profiter. Donc il est important tout d'abord qu'il comprenne cette recommandation, puis après qu'il la suive. C'est-à-dire qu'il la mette en pratique. Car s'il l'a comprise, mais qu'il ne la met pas en pratique, elle ne lui sera en aucun cas profitable. Au contraire, cela va être une preuve contre lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Al-Qur'an hujjatun laka wa alayk » Le Qur'an, c'est une preuve pour ou contre toi. C'est une preuve pour toi si tu le mets en pratique. Et c'est une preuve contre toi si tu le délaisses, t'en détournes et ne le mets pas en pratique. Donc cette recommandation qu'il va nous dire, qui est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, il est important de bien la comprendre et après l'avoir comprise, de la mettre en pratique afin que l'on en tire profit. Il dit donc, rahimahullah, « Amma al-wasiyya, فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها واتبعها قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Il dit donc, je ne connais pas de recommandation plus profitable que la recommandation d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui la comprend et la suit. Allah a dit, nous avons certes recommandé à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous, de craindre Allah. Donc ceci est la recommandation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de le craindre. Et cette recommandation, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé l'ensemble des messagers, alayhi salatu wa salam, pour l'adresser à leur peuple. Tu ne trouveras pas un messager, alayhi salatu wa salam, sans qu'il n'ait recommandé à leur peuple de craindre Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme vous le voyez dans surat al-Shu'ara, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne plusieurs de ses messagers alayhi salatu wa salam. Par exemple, il commence et il dit « Kadhabat qawmu Nuhin al-mursalin » Le peuple de Nuh a démenti les messagers. « Idh qala lahum akhuhum Nuh ala tattaqoon » Lorsque leur frère Nuh alayhi salam, il leur a dit « Ne craignez-vous pas » C'est-à-dire « Ne craignez-vous pas Allah » Et si cette recommandation est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les premiers et les derniers de l'humanité, ceci nous indique que cette recommandation, c'est une recommandation immense. Et cela nous montre l'importance de taqwa, l'importance de la piété, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, rahimahullah, wa wassa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam mu'adhan lamma ba'athahu ila al-yaman فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a adressé la recommandation suivante. Il lui a dit, oh Mu'adh, crains Allah où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne qui l'effacera et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Ceci est la recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressée à Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu, mais elle s'adresse également à l'ensemble des musulmans. Donc on voit ici que Cheikh al-Islam rahimahullah, il a commencé par nous citer ce verset qui nous montre que la crainte d'Allah, c'est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala envers l'ensemble de l'humanité. Et c'est également la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recommandait souvent la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Comme cela est confirmé dans de nombreux hadiths, comme dans le hadith d'Al-Irbad radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a dit « Usikum bi taqwa Allah wa sam'i wa ta'a » Je vous recommande la crainte d'Allah et l'écoute et l'obéissance. Et également, il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Ittaqu Allah wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum » Craignez Allah, accomplissez vos cinq prières et jeûnez votre mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan. Donc dans de nombreux hadiths, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé la crainte d'Allah. Mais Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il a choisi précisément ce hadith. Le hadith de Mu'adh, à travers tous ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce pour une raison très importante qui va nous apparaître dans les lignes qui suivent, inshallah ta'ala. Il dit, rahimahullah, « Wa kana Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, minan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, bimanzilatin aliyah. » Il dit, Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, il avait auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un haut rang, un haut degré. « Fa'innahu qala lahu, ya Mu'adh, wallahi inni la uhibbuk. » Il lui a dit, « Oh Mu'adh, par Allah, je t'aime vraiment. » Ça, c'est ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu. Donc on voit que Mu'adh, il avait une place imminente auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Wa kana yurdifuhu wa ra'ahu. » Et il le prenait avec lui, derrière lui, sur sa monture. Comme on la voit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il l'a interrogé au sujet du droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur ses serviteurs. « Wa ru'ya fihi annahu a'lam al-umma bil halal wal-haram. » Il est rapporté à son sujet, au sujet de Mu'adh, qu'il est le plus savant de la communauté au sujet du halal et du haram, du licite et de l'illicite. « Wa annahu yuhsharu amam al-ulama » c'est-à-dire Yom al-Qiyamah. Et il est rapporté également qu'il sera ressuscité devant les savants d'un pas. C'est-à-dire que Yom al-Qiyamah, il sera devant les savants, radiyallahu ta'ala anhu. Wa min fadlihi annahu ba'athahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam muballighan anhu, da'iyan, mufaqqihan, wa muftiyan, wa hakiman ila ahli al-Yaman. Et également parmi ses mérites, radiyallahu ta'ala anhu, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a envoyé au Yémen pour transmettre son message, pour appeler à Allah, pour enseigner aux gens, pour être leur mufti, celui qui répondra à leurs questions, et pour diriger les gens du Yémen. Et pour diriger les gens du Yémen. Cela montre la place imminente qu'avait Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَكَانَ يُشَبِّهُهُ بِإِبْرَاهِيمِ الْخَلِيلِ. Donc il dit ensuite, rahimahullah, et il l'assimilait à Ibrahim al-Khalil alayhi salam. Et dans d'autres versions, ou dans d'autres manuscrits de cet épître, on trouve وَكَانُ يُشَبِّهُونَهُ. Et il l'assimilait à Ibrahim, au pluriel. Et ceci est plus proche de la réalité, et c'est mieux de le dire ainsi, car il n'est pas connu de hadith allant dans ce sens, mais simplement des récits de certains compagnons, radiyallahu ta'ala anhu, comme on va le voir. فَكَانُوا يُشَبِّهُونَهُ بِإِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَإِبْرَاهِيمَ إِمَامُ النَّاسِ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ ta'ala anhu يَقُولُ إِنَّ مُعَاذًا كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Donc il l'a assimilé à Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim, c'est l'imam des gens. L'imam des monothéistes. Et Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, il disait, certes Mu'adh était un guide dévoué à Allah, lui vouant le culte exclusif, et il ne fait pas partie des polythéistes. Donc cette parole, elle est semblable à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au sujet de Ibrahim, alayhi salam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa, wa lam yaku min al-mushrikin. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a décrit ainsi Ibrahim alayhi salam. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a prononcé cette parole au sujet de Mu'adh, les gens lui ont dit « Inna Ibrahim » en pensant qu'il s'était trompé, qu'il avait dit « Inna Mu'adhan » en se trompant, en voulant dire Ibrahim. Et il leur a dit « Je n'ai pas oublié. » C'est-à-dire « Je n'ai pas oublié le verset. » Mais il a dit cela afin de montrer les similitudes qu'il y avait entre Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu et Ibrahim alayhi salam. Donc, de la même manière que Ibrahim, alayhi salam, Mu'adh, c'était un guide pour les gens. Un exemple, un modèle à suivre. Il était qanitan lillah, c'est-à-dire dévoué à Allah. Il vouait constamment l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifan, c'est-à-dire qu'il se détournait du polythéisme et il se détournait de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faisait pas partie des polythéistes. Donc on voit ici que Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il a mentionné six mérites de Mu'ad ibn Jabal, radiallahu ta'ala anhu, qui nous montre son rang immense. Et qui peut nous répéter les 6 mérites qu'il a mentionnés. On va voir qui suit. Quels sont les 6 mérites de Mu'ad qu'il a mentionnés, rahmallah. Même si c'est dans le désordre, c'est pas grave. Comment ? Qu'il dépassera les savants d'un pas au jour de la résurrection. Ça fait un. Il en a mentionné 6. Hein ? C'est le plus savant des gens sur le licite et l'illicite. Ça fait 2. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait. Ça fait 3. Qu'il le prenait avec lui sur sa monture. Ça montrait sa proximité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En manque 2. La similitude avec Ibrahim alayhi salam. Et le dernier? Presque. Non, c'est pas ça, il l'a déjà dit. Ça, ça rentre dans la similitude avec Ibrahim alayhi salam. Un autre. Notre frère, il y a fait allusion. Qu'il l'a envoyé au Yémen. Qu'il l'a envoyé au Yémen en tant qu'enseignant, prêcheur et dirigeant des gens du Yémen. Donc ça, ce sont tous les mérites de Mu'adh, radiallahu ta'ala anhu, que Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il a mentionné ici. Et vous allez voir pourquoi il nous a évoqué ses mérites, il nous a montré cette place éminente qu'avait Mu'adh, radiallahu ta'ala anhu. Il dit ensuite, « Thumma innahu sallallahu alayhi wa sallam » Ensuite, malgré cela, c'est-à-dire malgré ses mérites que l'on vient de mentionner, il lui a adressé cette recommandation. Quelle est cette recommandation ? Crains Allah où que tu sois. Il adresse cette recommandation à Mu'adh, malgré ce rang éminent qu'il avait auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de doute que Mu'adh, il avait écouté une multitude de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui recommandait la crainte d'Allah. Ce n'est pas la première fois qu'il écoutait cette recommandation. Malgré cela, quand il l'a envoyé au Yémen, il lui a rappelé cela et lui a recommandé la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh al-Islam, rahimahullah, il nous a rappelé cela afin d'attirer notre attention sur un point important qui est quoi ? Qui est que quel que soit le rang de la personne, quelle que soit la piété de la personne, quelle que soit la science de la personne, quelle que soit les multitudes d'adorations qu'il accomplisse et ses mérites, alors il a besoin que quelqu'un lui rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne suffit pas de dire « je crains Allah » ou « je fais ceci et je fais cela ». Il ne suffit pas d'avoir beaucoup de science, de faire beaucoup d'adorations. Toute personne, quel que soit son rang, a besoin qu'on lui rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il te suffit à ce sujet de te rappeler la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ya ayyuhan nabiyu taqillah » Ô toi le prophète, crains Allah, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le plus pieux des hommes, le meilleur des hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Il n'y a personne sur cette terre qui a atteint le niveau de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, « Ô toi le prophète, crains Allah. » Aujourd'hui, il y a certaines personnes, lorsque tu lui adresses cette recommandation, « Ittaqillah ya akhi, crains Allah, mon frère. » Il s'énerve. Ça le dérange que tu lui rappelles la crainte d'Allah. Il te dit, « Comment ça, moi, je ne crains pas Allah ? Qu'est-ce que tu insinues par cela ? Je ne crains pas Allah ?» Comme s'il avait atteint le rang le plus haut en termes de piété. Alors que cela s'oppose au comportement des salafs, rahimahumullah ta'ala. Regardez, malgré le rang qu'ils avaient, malgré les adorations qu'ils accomplissaient, ils s'enjoignaient mutuellement la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a l'exemple également de Omar radiallahu ta'ala anhu. Omar ibn al-Khattab, le deuxième meilleur homme après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr de cette communauté. Omar radiallahu ta'ala anhu, alors qu'il était calife, un homme est venu et lui a dit « Ittaqillah, crains Allah ». Qu'est-ce qu'a répondu Omar ? Malgré sa piété, malgré son rang, il est calife. C'est le gouverneur des musulmans, le chef des musulmans. Il lui a répondu, « La khayra fikum, idha lam taqouluha, wa la khayra fina, idha lam naqbalha. » Il n'y a pas de bien en vous si vous ne dites pas cette parole. Et il n'y a pas de bien en nous si nous ne l'acceptons pas. Allahu Akbar. Omar radiallahu ta'ala anhu. Al-Farouq. Le deuxième calife bien guidé, Quelqu'un, un homme vient et lui dit cette parole. Il dit, il n'y a pas de bien en nous. Si nous ne l'acceptons pas, il n'y a pas de bien en vous si vous ne le dites pas. Et aujourd'hui, les gens, ils s'énervent lorsqu'on leur rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela vient de la faiblesse de la foi. En effet, de par la faiblesse de ta foi, tu vas être dérangé par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas être dérangé par le fait que l'on te rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas être dérangé par le fait que l'on te rappelle le tawhid, le suivi de la sunna, comme si cette chose était acquise pour nous. Comme si on avait atteint les plus hauts rangs et les plus hauts degrés dans ces domaines-là. Alors qu'au contraire, on est bien loin des salafs, rahimahumullahu ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements à ce sujet. Et malgré cela, tu vois l'un d'entre nous s'énerver lorsqu'on lui rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh al-Islam, rahimahullah, il a voulu attirer notre attention ici sur ce point-là. C'est pour cela qu'il a choisi cette recommandation et ce hadith. Au milieu des nombreux hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoint la crainte d'Allah, il a voulu nous montrer que quel que soit le rang de la personne, il a besoin qu'on lui rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, « ثُمَّ إِنَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَصَّاهُ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ فَعُلِمَا أَنَّهَا جَامِعَ وَهِيَ كَذَلِكْ لِمَنْ عَقَالَهَا » Il dit donc, malgré ce rang éminent qu'avait Mu'adh radiallahu ta'ala anhu, il lui a adressé cette recommandation. On sait donc à travers cela que cette recommandation, elle englobe beaucoup de bien. Elle englobe beaucoup de bien pour qui ? Pour celui qui la comprend. En effet, il y a des gens, ils écoutent certaines paroles et certains rappels, mais ils ne cherchent parfois même pas à les comprendre. Ils ne comprennent pas, qu'est-ce que taqwa ? Il dit, na'am, je crains Allah. Mais qu'est-ce que la taqwa ? Il a besoin de comprendre, qu'est-ce que la taqwa ? L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a dit dans son livre, Ar-Risala al-Tabukiyya, wa amma al-taqwa, fa haqiqatuha, al-amalu bi ta'ati Allahi, subhanahu wa ta'ala, imanan wa ihtisaba, amran wa nahyan. Quant à la taqwa, la crainte d'Allah, la piété, sa réalité, c'est d'œuvrer dans l'obéissance à Allah avec foi et en espérant la récompense. Amran wa nahyan, c'est-à-dire que ce soit un ordre qui provient d'Allah ou une interdiction. On lui obéit en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdictions. فَيَفْعَلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إِمَانًا وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ وَيَتْرُكُ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ إِمَانًا بِالنَّهِي وَخَوْفًا مِنْ وَعِيدِهِ. Il dit ensuite, rahimahullah, il fait donc ce qu'Allah a ordonné avec foi et avec croyance en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la promesse qu'il a faite à ceux qui lui obéissent. Et il délaisse les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala avec foi en cette interdiction et avec peur de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui commettent les interdits. كما قال طلق ابن حبيب رحمه الله إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. Lorsque la fitna survient, la discorde, les troubles, les dissensions, alors éteignez-les avec quoi ? Avec la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils lui ont alors dit, wa ma taqwa ? Qu'est-ce que la taqwa ? Il a dit, rahimahullah, an ta'amala bi ta'atillah, ala nourin min Allah, tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah, ala nourin min Allah, fatakhafa iqab Allah. C'est que tu œuvres dans l'obéissance à Allah, d'une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire avec science. Cette lumière, c'est la science. Al-ilm al-nafi'a. Que tu œuvres dans l'obéissance à Allah, d'une lumière venant d'Allah avec science et clairvoyance, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu délaisses la désobéissance à Allah sur une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire avec science, en prenant connaissance de quels sont les interdits d'Allah, en ayant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est la taqwa. Ceci est la réalité de la taqwa. Et c'est important de comprendre cela afin de profiter de cette recommandation. Si tu comprends réellement ce qu'est la taqwa, lorsqu'on va te dire « Ittaqillah », tu vas avoir ces sens en tête. Tu vas comprendre qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses serviteurs lorsqu'il dit « Ya ayyuhannas, ittaqu rabbakum ». Oh vous les gens, craignez votre Seigneur. Œuvrez dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. D'une lumière venant d'Allah, avec science. C'est-à-dire qu'il faut que vous appreniez Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit? Afin de mettre en pratique ce qu'il vous a ordonné et de délaisser ce qu'il vous a interdit. Donc, Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il insiste sur cela, sur l'importance de comprendre cette recommandation. Il dit ensuite, « Ma'a annaha tafsir al-wasiyyati al-Qur'aniyya » Il dit, sachant que cette recommandation, la recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressée à Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu, c'est l'explication de la recommandation du Qur'an. C'est-à-dire celle qu'on a vue dans le verset « وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ » Nous avons certes recommandé à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-même, la crainte d'Allah. Donc ce hadith, il nous explique le verset, et on va voir pourquoi il explique le verset à travers les paroles de Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala. Donc ici, il nous a dit deux choses au sujet de cette recommandation. Il nous a dit qu'elle comporte l'ensemble du bien. Elle réunit l'ensemble du bien et qu'elle explique la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala mentionnée dans le Coran. Il va donc commencer tout d'abord par nous expliquer pourquoi elle englobe tout le bien. Il dit, rahimahullah, أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان حق لله عز وجل وحق لعباده. Il dit quant au fait qu'elle englobe tout le bien, cela est parce que le serviteur, il lui incombe deux devoirs. Un devoir envers Allah, subhanahu wa ta'ala, et un devoir envers les serviteurs d'Allah. Et il va nous expliquer qu'est-ce que ce devoir envers Allah et qu'est-ce que le devoir envers les serviteurs d'Allah. ثم الحق الذي عليه لابد أن يخل ببعضه أحيانا إما بترك مأمور أو فعل من يعنه. Donc il commence par dire, ensuite, le devoir qui lui incombe, c'est-à-dire le devoir qui incombe au serviteur. Il est inévitable que par moment, le serviteur, il manque à ce devoir. Il ne l'accomplisse pas complètement. Ceci est inévitable, car personne n'a atteint la perfection parmi nous. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'ensemble des enfants d'Adam commettent des erreurs. Et dans le hadith rapporté par Muslim, d'après Abi Hurayra radiallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرْ لَهُمْ » Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure par Allah que si nous ne faisions pas de péché, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ferait disparaître, nous anéantirait. Et il ferait venir des gens qui font des péchés. Pourquoi? Afin qu'ils implorent le pardon d'Allah et qu'Allah leur pardonne. Donc ce hadith, il nous montre quoi? Il nous montre qu'il est inévitable pour l'homme de tomber dans des péchés, de faire des erreurs, d'avoir des manquements. Et il se peut parfois qu'un péché ou une erreur, elle soit une cause de ton entrée au paradis. Comment cela est possible? La personne, elle fait un péché, elle fait une erreur, puis cette erreur, elle le conduit à quoi? À implorer le pardon d'Allah, à se repentir à Allah, à se réformer et à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se retrouve donc après le péché dans une situation meilleure que celle dans laquelle il était avant le péché. Donc l'insan, l'homme, inévitablement il fera des péchés. Mais ce qui lui incombe, c'est quoi? C'est de savoir qu'est-ce qu'il doit faire après avoir fait un péché. Et il doit implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et se réformer. Il dit donc ces manquements qui sont inévitables, ils seront soit par le délaissement d'un ordre. Une chose qu'Allah a ordonnée, la personne elle va la délaisser. Ceci est donc un manquement vis-à-vis du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors, il va commettre un interdit. Une chose qu'Allah a interdit, il va tomber dedans. Donc, ceci est inévitable, surtout dans les sociétés dans lesquelles est propagée l'ignorance, au point que certaines personnes ignorent même qu'est-ce qu'Allah a ordonné et qu'est-ce qu'Allah a interdit. Cela, il n'y a pas de doute qu'ils vont manquer beaucoup au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils ne connaissent pas réellement la religion. Ils ne savent pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné au quotidien. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit. Ceci nous pousse donc à l'apprentissage de la science, afin de prendre connaissance de ces choses, se réformer et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière. Il dit ensuite, rahimahullah, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وهذه كلمة جامعة وفي قوله صلى الله عليه وسلم حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. Il dit donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, crains Allah où que tu sois. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, crains Allah. Et ceci est une parole qui comprend beaucoup de bien. Lorsqu'il dit où que tu sois, il montre que la taqwa, la personne, elle en a besoin, que cela soit en secret ou en public. La taqwa, ce n'est pas seulement une chose que tu mets en pratique lorsque tu es devant les gens, mais tu dois également la mettre en pratique lorsque tu es seul et qu'il n'y a personne entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là qu'on voit la réalité de la personne. Est-ce qu'elle craint réellement Allah lorsqu'elle se retrouve seule et qu'il n'y a personne entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala? En effet, certaines personnes, ils pensent que la taqwa ou la religion d'une manière générale, par exemple, ce n'est que dans les mosquées. Il pense qu'une fois qu'il est sorti de la mosquée, il est libre, il peut faire ce qu'il veut. Comme certaines personnes font l'erreur de dire, par exemple, une fois que la prière de l'Aïcha est passée, « Ba'da l'Aïcha, fa'al matasha. » Après l'Aïcha, fais ce que tu veux. Comme s'il avait terminé son programme journalier d'adoration envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci est une parole erronée. La taqwa Allah, la crainte d'Allah, elle est obligatoire tout au long de la journée, à tout moment, que tu sois seul ou que tu sois avec les gens. En effet, la réalité de la crainte d'Allah qu'éprouve la personne, elle va apparaître lorsqu'il se retrouve seul entre lui et son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith rapporté par Thauban radiyallahu ta'ala anhu, je veux vous informer au sujet de gens de ma communauté qui viendront au jour de la résurrection avec des œuvres semblable aux montagnes de Tihama, une chaîne de montagnes, des montagnes immenses. Il dit, je veux vous informer au sujet de gens de ma communauté qui viendront au jour de la résurrection avec des bonnes actions semblables à des montagnes immenses. Et Allah subhanahu wa ta'ala les réduira en poussière éparpillée. Thauban radiyallahu ta'ala anhu, il a directement demandé, ô messager d'Allah, sifhum lana, jallihim lana, حَتَّ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمْ. Ô messager d'Allah, décris-les-nous, clarifie-nous leur situation, afin que nous ne fassions pas partie d'eux, alors que nous ne savons pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, أَمَّا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ مِنْ جِلْدَتِكُمْ يَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. Il dit, ce sont vos frères. Ils sont de votre race, de votre tribu, comme vous. Ils prient la nuit de la même manière que vous priez. Mais lorsqu'ils se retrouvent seuls face aux interdits d'Allah, ils les transgressent. Subhanallah. Ils viendront avec des hasanats aussi nombreuses que des montagnes immenses. Et Allah subhanahu wa ta'ala les réduira en poussière éparpillée. Pourquoi ? Car lorsqu'ils sont seuls, que personne ne les voit, ils transgressent les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils oublient qu'ils ont un Seigneur qui les observe. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam Ibn Majah, rahimahullah, il a été authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahullah. Donc, dans ce hadith, il y a une mise en garde contre les péchés qui sont faits en secret. En effet, beaucoup de personnes, ils arrivent à se prémunir des péchés qui sont accomplis devant les gens. Il ne va pas faire de péché lorsqu'il est avec les gens. Mais lorsqu'il se retrouve seul, il se peut qu'il tombe dans de nombreux interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith, il nous met en garde contre cela. Et il a certes dit que les œuvres pieuses que tu accomplis lorsque tu es seul, qu'il n'y a personne entre toi et Allah, les œuvres pieuses que tu accomplis à ces moments-là, c'est une cause de fermeté sur la religion. Quant au péché que tu accomplis lorsqu'il n'y a personne entre toi et Allah, c'est une cause de retour en arrière, voire même d'apostasie ou al-ayadu billah. En effet, il est venu dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la personne, elle accomplit des œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste plus entre elle et le paradis qu'une coudée. Puis elle accomplit les œuvres des gens de l'enfer et elle entre en enfer. Et dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a clarifié le secret de cela. Il a dit, il accomplit les œuvres des gens du paradis. Fima yabdou linnas, d'après ce qui apparaît aux gens, d'après ce que les gens voient. Mais en réalité, son fort intérieur, il était corrompu. C'est pour cela que cela a été une cause d'une mauvaise fin pour lui. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc la personne, elle doit réformer son fort intérieur. Tu ne dois pas rechercher seulement à réformer ton apparence, mais tu dois réformer ton cœur, réformer la relation que tu entretiens entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, et également entre toi et les gens. Et il est connu de certains savants, rahimahumullah ta'ala, parmi les anciens, qui lorsqu'ils se rencontraient, ils s'accordaient mutuellement la recommandation suivante. Ils se disaient, réforme ton fort intérieur, Allah subhanahu wa ta'ala, il réformera ton apparence. Réforme ce qu'il y a entre toi et Allah, Allah réformera et arrangera ce qu'il y a entre toi et les gens. Certains savants parmi les anciens, lorsqu'ils se rencontraient, ils se recommandaient sans cesse cette parole. Réforme ton fort intérieur, Allah subhanahu wa ta'ala, il se chargera de réformer ton apparence. Il dit ensuite, ثُمَّ قَالْ وَأَدْبِعَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, et fait suivre la mauvaise action d'une bonne action qui l'effacera. فَإِنَّ الطَّبِيبُ مَتَى تَنَاوَلَ الْمَرِيضُ شَيْئًا مُضِرًّا أَمَرَهُ بِمَا يُصْلِحُهُ. Il dit le médecin, lorsque le malade, il a consommé une chose nuisible, qu'est-ce qu'il fait? Il lui ordonne, il lui commande ce qui va le guérir de cela. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous ordonne? أَدْبِعَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Si tu fais une mauvaise action, c'est une chose nuisible pour ta personne. Fais-la suivre d'une bonne action qui va l'effacer. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَالذَّنْبُ لِلْعَبْدِ كَأَنَّهُ أَمْرٌ حَتْمٌ. Et le péché pour le serviteur, c'est comme si c'était une chose obligatoire. Comme on a dit, c'est inévitable. Tous les enfants d'Adam, alayhi salam, ils font des péchés. Il n'y a personne parmi les hommes qui peut prétendre ne pas faire de péché, être pieux et n'accomplir que des bonnes actions. Nous faisons tous des péchés. Donc, lorsque tu commets une mauvaise action, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'indique le chemin à prendre, c'est que tu la fasses suivre d'une bonne action qui viendra effacer cette mauvaise action. Il dit ensuite, rahimahullah, فَالْكَيِّسْ هُوَ الَّذِي لَا يَزَالُ يَأْتِ مِنَ الْحَسَنَاتِ بِمَا يَمْحُ السَّيِّئَاتِ وَإِنَّمَا قَدَّمَ فِي لَفْضِ الْحَدِيثِ السَّيِّئَةَ وَإِنْ كَانَتْ مَفْعُولَةً لِأَنَّ الْمَقْصُودُ هُنَا مَحْوُهَا لَا فِعْلُ الْحَسَنَةِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ فِي بَوْلِ الْأَعْرَبِ صُبُّ عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ. Il dit donc, celui qui est doué de raison, celui qui est intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sans cesse faire des bonnes actions. Pourquoi? Pour effacer ses mauvaises actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous indique que la bonne action, elle efface la mauvaise. Donc sans cesse, tu vas faire des bonnes actions. Pourquoi? Pour effacer les mauvaises actions que tu vas faire inévitablement. Et il dit ensuite qu'il a mentionné la mauvaise action ici dans ce hadith avant la bonne action, car l'objectif est de l'effacer. L'objectif est d'effacer cette mauvaise action. Donc il l'a mentionné en premier. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne action qui va venir et qui va quoi? Qui va l'effacer. Il dit ensuite, rahimahullah, وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْحَسَنَاتِ مِنْ جِنْسِ السَّيِّئَاتِ. Et il convient que ces bonnes actions, elles soient de la même sorte que les mauvaises actions. C'est-à-dire la bonne action que tu vas accomplir pour effacer tes mauvaises actions, il convient qu'elles soient de la même sorte. Par exemple, une personne a été malfaisante envers ses parents. Il convient qu'elle fasse suivre cette malfaisance d'une bienfaisance envers ses parents afin d'effacer ce qu'elle a commis. Une personne a commis un péché ou a transgressé les biens d'une autre personne. Il a volé, il a soutiré de l'argent. Il convient que la bonne action qu'il va accomplir après avoir restitué ce bien bien sûr, ce soit une aumône par exemple, qu'elle soit de la même sorte que la mauvaise action. Il a eu du manquement dans ses prières, il multiplie les prières, et ainsi de suite. Ceci, c'est ce qui est meilleur. C'est pour ça que Cheikh l'Islam, il dit, rahimahullah, وَيَنْبَغِي, il convient, mais ce n'est pas une condition et ce n'est pas obligatoire, comme on va le voir par la suite. Il dit, فَإِنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْمَحْوِي, car cela est plus à même d'effacer le péché. Le fait que la personne elle fasse une bonne action de la même sorte, du même genre, que la mauvaise action qu'elle a commise, cela est plus à même d'effacer le péché, comme on l'a dit, ce n'est pas une condition. Ensuite il dit, وَالذُنُوبُ يَزُولُ مُجَابُهَا بِأَشْيَا. Et les péchés, ce qu'ils impliquent, c'est-à-dire comme châtiment, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils peuvent être dissipés par de nombreuses choses. Ces choses, c'est ce qu'on appelle al-mumahhisat, les choses qui expient les péchés. Elles viennent effacer les péchés que commet le serviteur. Il y en a certaines mumahhisat qui ont lieu dans ce bas monde. Et ces mumahhisat qui sont dans ce bas monde, elles sont au nombre de quatre. Et c'est celles que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il va mentionner. Et il y en a d'autres qui ont lieu après la mort, lorsque la personne se trouve dans sa tombe, et d'autres qui ont lieu au jour de la résurrection. Donc, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il va nous mentionner ici les quatre choses expiatoires qui ont lieu dans ce bas monde. Ahaduha at-tawba. La première, c'est le repentir. Celui qui a commis un péché, puis qui se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est comme s'il n'avait pas commis de péché. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, at-ta'ibu min adh-dhanb kaman la dhanba lahu. Celui qui se repent d'un péché, il est comme celui qui n'a pas de péché. C'est-à-dire que c'est comme si il n'avait pas commis ce péché. Cependant, il est important de se rappeler que le repentir, il a des conditions. Et les savants, rahimahumullah, ils ont mentionné que le repentir, il avait 5 conditions. La première condition du repentir, c'est al-ikhlasu lillah, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu te repens recherchant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne te repens pas par peur que ton péché soit dévoilé aux gens. Comme le font certaines personnes, il commet des péchés, et lorsqu'il va voir qu'il va se faire surprendre, il cesse ce péché. Il prétend s'être repenti. Mais en réalité, il s'est repenti pourquoi ? Par peur de se faire démasquer. Celui-ci n'a pas été sincère. Ou celui qui cesse un péché, par peur de ses parents. Il a peur que ses parents le blâment, alors il arrête de faire ce péché. Se repentir ici, il n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il va se prémunir du mal du péché. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il va se prémunir du mal de ce péché, mais il n'aura pas la récompense du repentir, ni le pardon des péchés qui ont précédé. Donc il est indispensable que le repentir il soit accompli sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième condition, c'est le fait de délaisser le péché immédiatement. Celui qui dit qu'il se repent, mais qu'il continue d'accomplir le péché, celui-ci en réalité, il n'est pas véridique dans son repentir. Il dit je me repens, mais il continue de faire ce péché. Donc la deuxième condition, c'est de cesser immédiatement le péché. La troisième, c'est an-nadm, le fait d'avoir des regrets pour ce qui s'est passé, d'avoir des remords. Il doit regretter les péchés qu'il a commis. Et on voit dans cela l'erreur que font certaines personnes qui mentionnent certains péchés qu'ils ont pu accomplir par le passé avec fierté. Ils le mentionnent en étant fiers comme si cela lui donnait un rang auprès des gens. En faisant cela, il a annulé son repentir. Il n'est pas véridique dans son repentir, car en réalité, il ne regrette pas ce qu'il commettait par le passé. La quatrième condition, c'est d'avoir la ferme intention de ne plus retourner à ce péché. La ferme intention de ne plus le recommettre. C'est-à-dire, c'est pas il se repent et il sait que l'après-midi, il va recommencer le péché. Il va le refaire immédiatement. Il sait déjà qu'il va refaire ce péché. Mais il a la ferme intention de ne plus y retourner. Et s'il retourne dans ce péché par la suite, alors il se repent à nouveau. Cela n'annule pas son précédent repentir. Si par faiblesse il retourne dans ce péché, cela n'annule pas son précédent repentir. La cinquième condition, c'est qu'il se repente à un moment où le repentir est accepté. En effet, il y a deux moments durant lesquels le repentir n'est plus accepté. Le premier est général et l'autre est spécifique à chacun d'entre nous. Celui qui est général, c'est avant que le soleil ne se lève de son couchant. Une fois que le soleil se lève de son couchant, alors c'est terminé. Le repentir n'est plus accepté. Cela sera trop tard. Le moment qui est particulier, qui concerne chacun d'entre nous et qui est spécifique à chacun d'entre nous, c'est le fait de se repentir avant l'agonie, c'est-à-dire avant la sortie de l'âme de la personne. Lorsque l'âme est en train de sortir de son corps, que vient l'agonie, alors il est trop tard pour le repentir. Et certaines personnes peuvent se poser la question au sujet de ceux qui ont des maladies mortelles, et dont parfois les médecins disent « il ne vous reste plus que 3 mois, 4 mois, ils estiment la durée de vie de la personne en fonction de sa maladie à quelques mois, quelques jours ou quelques semaines. » Est-ce que celui-ci, il peut encore se repentir ? La réponse est que oui. La porte du repentir, elle lui est encore ouverte jusqu'à l'agonie. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide du moment de sa mort. Les médecins lui annoncent cela, mais peut-être qu'il vivra encore après cela, 1 an, 2 ans, 3 ans, et ce qu'Allah voudra. Ce sont juste des prévisions que font les médecins en fonction de son état de santé. Donc la porte du repentir, elle lui est encore ouverte. Et au contraire, c'est peut-être une occasion pour lui, pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, se réformer et effacer les péchés qu'il a pu commettre tout au long de sa vie. La 6e condition du repentir, on a dit que le repentir, Afwan, il avait 5 conditions. Mais on en rajoute une 6e dans le cas où le péché, il est lié aux droits des personnes. Par exemple, une personne a volé, une personne a commis de l'injustice, une personne a causé du tort à un musulman, alors il doit rajouter une 6e condition à son repentir. Et cette condition, c'est quoi? C'est qu'il s'affranchisse de cette chose auprès de sa victime. C'est-à-dire, si c'est un bien qu'il lui a soutiré, il lui rend. Il lui rend ce bien qu'il lui a soutiré, que ce soit de l'argent ou autre. Et si c'est quelque chose de moral, un préjudice moral, il a médit sur lui, il a menti sur lui, il lui a causé du tort avec sa langue, alors pour que son repentir soit valide, il doit s'affranchir de cela comment? En lui demandant pardon. Cependant, les savants ont précisé que cela a lieu si la personne a connaissance de ces choses-là. Il sait que tu as menti sur lui. Il sait que tu as prononcé des paroles mauvaises sur lui. Il est au courant. Dans ce cas-là, il est obligatoire pour toi, pour que ton repentir soit valable, que tu lui adresses tes excuses et que tu lui demandes pardon. Cependant, s'il n'en a pas connaissance, que tu l'as fait dans une assemblée restreinte et que cela ne lui est pas parvenu, alors pour que ton repentir soit valide, il t'incombe d'invoquer en sa faveur et de le mentionner en bien dans cette même assise. Sauf si tu sais qu'en l'avertissant et en allant vers lui, il n'y aura pas de méfait et il acceptera tes excuses. Mais si tu crains qu'en l'informant de cela, il se vexe, il le prenne mal et que cela conduise à un mal plus grand, alors tu invoques en sa faveur et tu le mentionnes en bien dans ses assises de la même manière que tu l'as mentionné en mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir de l'ensemble de ses serviteurs. À partir du moment où le repentir, il remplit toutes ces conditions que l'on a mentionnées, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir quelle que soit la grandeur du péché. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez ce qu'il dit dans Surat al-Furqan. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Ceux qui n'invoquent pas avec Allah d'autres divinités, qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf de droit, et qui ne commettent pas la fornication. 3 des plus grands péchés, le shirk, le meurtre et la fornication. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُطْ فِيهِ مُهَانًا. Il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait cela, il va décupler son châtiment. Et il sera avili éternellement. On voit que cela est un châtiment terrible de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui commettent ces péchés. Le shirk, le meurtre et également la fornication. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, « Illa man tab » sauf ceux qui se repentent. C'est-à-dire que celui qui se repent de ces graves péchés pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a adressé ses menaces à ceux qui les commettent, celui qui se repent, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir et alors il se retrouvera comme celui qui n'a commis aucun péché. On était donc en train de mentionner les choses expiatoires qui permettent d'expier les péchés que le serviteur commet. On a dit que la première chose, c'est le repentir, la tawbah. Ensuite, Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il dit « وَالثَّانِي أَلِسْتِغْفَارُ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةِ » Il dit le deuxième, c'est l'imploration du pardon, al-istighfar, sans le repentir. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith « Al-Qudsi, يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْتِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِ أَغْفِرْ لَكُمْ » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le hadith al-Qudsi, rapporté par Muslim, rahimahullah, d'après Abi Dhar, radiallahu ta'ala anhu. Oh mes serviteurs, vous commettez des erreurs, c'est-à-dire des péchés. Vous commettez des péchés jour et nuit. Et moi, je pardonne l'ensemble des péchés. Implorez donc mon pardon et je vous pardonnerai. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'on commet des péchés de jour et de nuit, sans cesse, et que l'on a juste à l'implorer son pardon, afin qu'il nous pardonne ses péchés. Il est donc important de multiplier l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh ici dit, rahimahullah, min ghayri tawba, sans repentir. Et cette question, elle est sujette à divergence entre les savants. Certains ont dit qu'il est indispensable de se repentir, et que l'istighfar seul ne suffit pas. Mais ce qui est juste sur cette question, incha'Allah ta'ala, c'est que l'istighfar, l'imploration du pardon, même sans repentir, elle est acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala et profitable pour le serviteur, cependant à une condition. C'est qu'il fasse cela avec véracité envers Allah subhanahu wa ta'ala et que ce qui le pousse à implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la crainte de son châtiment. Quant à ceux qui font l'istighfar juste avec leur langue, en disant astaghfirullah de manière mécanique, sans réfléchir à ce qu'ils disent, alors ceci n'est pas profitable. Mais il faut que cela soit dit avec véracité et crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ يَغْفِرُ لَهُ إِجَابَةً لِدُعَائِهِ وَإِنْ لَمْ يَتُوبْ. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne son péché en réponse à son invocation, en réponse à son invocation, et ce, même s'il ne se repent pas. Donc cela nous montre l'importance de l'istighfar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a certes dit dans un hadith, Touba liman wajada fi sahifatihi yawm al-qiyama istighfaran kathira. Que reçoive la bonne nouvelle celui qui trouvera dans son registre, c'est-à-dire le registre de ses œuvres, au jour de la résurrection, beaucoup d'istighfar, beaucoup d'implorations de pardon. Car ceci sera la cause, incha'Allah ta'ala, de l'expiation de ses péchés. Ensuite, il dit, rahimahullah, فَإِذَا اجْتَمَعَتْ التَّوْبَ وَالْاِسْتِغْفَارِ فَهُوَ الْكَمَلِ. Et si le repentir est réuni avec l'imploration du pardon, alors ceci est la perfection. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Que la personne, elle réunisse entre le repentir et l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala a également dit dans le hadith al-Qudsi, Ya ibn Adam, innaka ma da'outani wa rajoutani, ghafartu laka makana minka wa la ubali. Ya ibn Adam, lo balagha dhunubuka anana as-sama, thumma istaghfartani, ghafartu lak. Ô enfant d'Adam, tu ne m'invoques pas et ne places pas ton espoir en moi sans que je te pardonne tes péchés, quel que soit le nombre de tes péchés, et je n'en tiens pas compte. Il les pardonne, Allah subhanahu wa ta'ala. Ô enfant d'Adam, même si tes péchés atteignaient le haut des cieux et que tu implorais mon pardon, alors je te pardonnerai. Donc il convient au serviteur de multiplier l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons pour exemple en cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans un hadith qu'il implorait le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et se repentait à lui plus de 70 fois par jour, et dans un autre hadith 100 fois par jour. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné ses péchés passés ainsi que ses péchés futurs. Malgré cela, il multipliait l'istighfar, il multipliait l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah, الثالث الأعمال الصالحة المكفرة. Il dit la troisième chose, c'est-à-dire la troisième chose qui permet d'expier les péchés, ce sont les œuvres pieuses et expiatoires. C'est-à-dire certaines œuvres pieuses que tu accomplis et qui expient les péchés. Il dit إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أطارك بعض واجباته أقاتل السيد بالكفارات المقدرة وهي أربعة أجناس هدي وعتق وصدقة وصيام. Il dit, la première sorte d'œuvre pieuse qui expie les péchés, ce sont les expiations qui sont délimitées, c'est-à-dire qu'elles ont été précisées dans la législation. Qu'est-ce que la personne doit faire pour expier tel acte? Il dit à l'exemple de celui qui a accompli des rapports intimes durant le mois de Ramadan. Il a une expiation particulière à faire, comme il est venu dans le hadith, qui viendra expier ce péché. Également, al-mudhahir. Al-mudhahir, c'est celui qui dit à son épouse, tu es pour moi comme le dos de ma mère. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elle. Il s'interdit les rapports avec son épouse. Celui-ci, il a une kafara, il a une expiation à faire, qui est mentionnée dans Surat Al-Mujadala. Également, celui qui enfreint certains interdits du pèlerinage, ou celui qui délaisse certaines de ses obligations, ou alors qui tue du gibier alors qu'il est en état d'ihram. Tout cela, ils ont des expiations précises à faire et qui sont déterminées de manière précise dans la législation. Soit un sacrifice, soit ça peut être l'affranchissement d'un certain nombre d'esclaves, ou alors une aumône déterminée, ou alors un nombre de jours de jeûne déterminé. Donc ceci, ce sont des œuvres pieuses qui viennent expier ces péchés-là, ces péchés précisément. C'est-à-dire qu'elles sont restreintes à l'expiation de ces péchés précisément. Et ces expiations, ce sont une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elles permettent à la personne de se faire pardonner ce péché qu'elle a commis, et également, il peut y avoir en celle-ci un profit pour les autres musulmans. Comme par exemple lorsque la personne doit nourrir des pauvres pour expier ce péché. Cela va profiter à ces pauvres qui vont profiter de cette expiation. On vient donc que ceci a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala de par sa miséricorde et sa sagesse. Il dit ensuite « Imma al-kaffarat al-mutlaqa » ou alors les expiations absolues. « Kama qala Hudhayfa li Umar radiyallahu ta'ala anhuma fitnatu ar-rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi » يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc il y a des expiations qui sont absolues. C'est-à-dire que ce sont des œuvres qui expient les péchés de manière générale. À l'exemple de ce qu'a mentionné Hudhayfa à Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, il a dit la fitna de l'homme, les troubles, les dissensions, les discordes que rencontre l'homme dans sa famille, ou les troubles liés à son argent, ou alors avec son enfant. Tout ceci s'est expié par la prière, le jeûne, l'aumône, le commandement du bien et l'interdiction du mal. Lorsque tu accomplis ces œuvres, pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors ce sont des causes d'expiation. Il dit, rahimahullah, وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْقُرْآنِ وَالْأَحَدِيثِ الصِّحَاحِ فِي التَّكْفِيرِ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمْعَ وَالصِّيَامِ. Il dit, et ceci est prouvé par le Coran. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Et cela est prouvé également dans les hadiths authentiques au sujet de l'expiation que l'on obtient par les cinq prières, la prière du vendredi, ainsi que le jeûne. En effet, il est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, d'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « As-salawatul khams, wal-jum'a ila al-jum'a, wa ramadan ila ramadan, mukaffirat lima baynahun. » Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les cinq prières, d'un vendredi à l'autre, et le mois du ramadan, jusqu'au suivant, expient les péchés qui sont commis entre eux. C'est-à-dire que lorsque tu accomplis une prière, puis que tu viens à l'autre prière ensuite, tu expies les péchés que tu as commis entre ces deux prières. De la prière du vendredi à l'autre vendredi, tu expies les péchés qui ont été commis durant cette semaine. Et du ramadan jusqu'au ramadan, tu expies les péchés qui ont été commis durant l'année. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a émis une condition. Il a dit, « إِذَا جُتُنِبَتِ الْكَبَائِرِ » Si les grands péchés sont évités. C'est-à-dire que celui qui fait des grands péchés, il ne profite pas de ses expiations. Celui qui est persistant, constant sur un grand péché, et qu'il ne s'en repent pas, alors il ne profite pas de ses expiations absolues qui sont mentionnées dans le hadith. Lorsqu'il vient prier, cela n'expie pas les péchés qu'il a fait entre les deux prières. Lorsqu'il vient au vendredi, cela n'expie pas les péchés qu'il a commis dans la semaine. Pourquoi ? Car il persiste sur un grand péché. Et le grand péché, il est indispensable de se repentir. Et parmi les grands péchés négligés par les gens, il y a les péchés de la langue. Le mensonge, la médisance, la calomnie, qui sont commis quotidiennement sans que la personne n'y prête aucun intérêt. Comme il est venu dans le hadith, ou plutôt dans le athar, de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit, le croyant, il voit ses péchés comme une montagne en face de lui. Il a peur qu'elle s'écroule sur lui. C'est-à-dire qu'il prend en considération la gravité de ses péchés et le danger du péché. Il dit alors que l'hypocrite, il considère ses péchés comme une mouche qu'il pose sur son nez et il l'éloigne ainsi. Vous avez vu quand on a une mouche qui se pose sur notre visage ? Fait comme ça avec nos mains. N'y prête aucune importance, aucune considération. Et malheureusement, on voit que beaucoup d'entre nous, à notre époque, ils considèrent les péchés de la langue de cette manière, comme si ce n'était pas grave. Alors que cela fait partie des grands péchés. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a menacé l'auteur de ces péchés de châtiments sévères, de châtiments terribles. Et qu'en plus de cela, celui qui fait ses péchés, qui persiste sur cela, alors il se prive de ce bienfait des expiations. Il dit ensuite, rahimahullah, wal hajji, le pèlerinage, wa sa'ir al-a'mal allati yuqalu fiha man qala kadha wa 'amila kadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Il dit également l'ensemble des œuvres au sujet desquelles on dit, c'est-à-dire dans les hadiths, celui qui dit cela ou celui qui fait cela, alors ses péchés lui sont pardonnés, ou celui qui fait cela, ses péchés passés lui sont pardonnés. Comme cela est mentionné dans de nombreux hadiths, par exemple pour le jeûne de Arafat, celui qui fait le jeûne de Arafat, ses péchés de l'année précédente et de l'année suivante, ils sont effacés. Et ainsi de suite. وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui sont pardonnés. Il dit, رحمه الله, وَهِيَ كَثِيرَةٌ لِمَنْ تَلَقَّاهَا مِنَ السُّنَنِ خُصُوصًا مَا سُنِّفَ فِي فَضَائِلَ الْأَعْمَالِ. Il dit, et ces œuvres-là, elles sont très nombreuses. Elles sont très nombreuses, les œuvres qui permettent l'expiation des péchés passés. Pour ceux qui vont les rechercher et les prendre dans les livres de Sunan, c'est-à-dire les recueils de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment ce qui a été écrit au sujet des œuvres méritoires, à l'exemple des livres comme Riyad al-Salihin ou Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Il convient donc aux musulmans d'accorder de l'importance à ces livres, de les lire et d'en tirer profit. On va donc s'arrêter là, inshallahu ta'ala, et on continuera la suite de la lecture de cette recommandation immense de Cheikh l'Islam, rahimahullahu ta'ala, après la prière. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.